Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission où nous parlons radio durant trois quarts d'heure à travers les carrières de ceux et celles qui la font au quotidien. Dans ce nouvel épisode, rencontre avec un animateur qui baigne dans la marmite radio depuis qu'il est petit. Et vous l'aurez compris, hein, c'est une histoire gauloise, hein, quand ça arrive, la radio, ça reste à vie. Chaque jour, vous l'entendez dans le 16-20 de Skyrock, mais pas que. Vous allez l'entendre maintenant dans la mécanique pour parler de sa passion, qui est aussi son rêve de gosse. Et vous allez comprendre comment il est arrivé jusqu'à aujourd'hui la première radio urbaine. Mon invité se nomme Aymeric Berco. Bonjour Eddy, très content d'être avec vous aujourd'hui sur Fréquence Protestante, ça fait plaisir. Alors, je parlais de rêve de gosse, hein, je pense ne pas me planter. Oui. Et justement, on va commencer par le commencement. Vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Bien sûr que ça me rappelle des souvenirs. Ça a été ma meilleure et ma plus grande école. C'est là où j'ai tout appris. Je me rappelle encore quand j'étais tout petit et que je me baladais avec mes cassettes, avec mes casques et en achetant du matériel pour pouvoir venir faire des émissions sur la radio associative. J'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure des écoles. Je pense qu'aujourd'hui, les web radios s'en rapprochent aussi un petit peu. C'est ce que je donne comme conseil quand il y a beaucoup d'animateurs en herbe qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux et qui me demandent comment démarrer, comment faire ses armes. Les radios associatives, ça a beaucoup, énormément compté pour moi, vraiment pendant des années. Hein. Et alors, votre tout premier contact avec la radio, comment vous avez attrapé le virus de la radio? C'était dans mon deuxième pays, qui est le Cameroun. Je me rappelle très bien la petite histoire. Je sortais d'un vaccin. Il y avait la radio qui était la plus grande radio de Douala, qui est donc dans mon deuxième pays. Et je demande à ma mère de faire une petite visite à la radio parce que je rêvais de voir ça. J'écoutais des animateurs emblématiques depuis des années et on a pu y accéder. Non seulement on a pu y accéder, mais comme il y a l'animateur principal qui animait le 10h midi qui m'a regardé, il a vu que j'étais passionné, il a vu mes yeux qui brillaient d'enfant qui était très curieux. Il m'a fait venir au micro, il m'a fait parler. J'ai plus lâché le micro. Et je pense que ça a été mon premier contact avec la radio en tant qu'animateur. Et j'ai le souvenir d'avoir été très bavard, ce qui était paradoxal parce que dans la vie j'étais un garçon assez timide, assez réservé. La radio, donc, c'était un peu aussi votre thérapie, si on peut dire. Mais complètement, c'était libérateur même pour moi, parce que imaginez un enfant qui est plutôt introverti et qui finalement, derrière un micro, se libère. Je pense que ça a été, oui, une thérapie, le mot est juste, ouais. Et alors cette radio, comment elle se nommait? C'était la FM 105. FM 105. Voilà, c'était au Cameroun. Donc, à quel âge? Ça, j'avais 8 ans. 8 ans, ouais. Ouais, voilà. Et donc, par la suite, après, une fois ce premier micro, qu'est-ce qui s'est passé? Après, du coup, je suis arrivé à Paris, en France, et j'ai continué à faire des radios associatives. Je continuais d'envoyer d'ailleurs des émissions pour cette radio FM 105 au Cameroun. Et puis, à Paris, je me suis retrouvé sur plusieurs radios associatives. Alors, j'avais fait Tropique FM, Fréquence Paris Pluriel, Aligre FM. Enfin, voilà, j'en ai fait pas mal. Hein. Et alors, comment vous les recherchez, ces radios? Vous leur envoyez des maquettes, vous les harceliez, vous poirotiez devant? Je crois que il y avait avec mon père les pages jaunes, on avait le bottin et on pouvait regarder un petit peu et s'intéresser aux radios associatives qui étaient à Paris en Ile-de-France. Voilà, parce qu'il faut rappeler que c'était une époque où il n'y avait pas Internet. Hein. Ah ouais, pas encore Internet, ouais. J'ai connu un petit peu l'avant Internet. J'ai connu les deux, ça qui est bien d'ailleurs d'avoir connu les deux. Et je dirais pas jusqu'à dire qu'on les harcelait, mais en tout cas, j'avais très envie d'en faire de la radio, j'avais des idées déjà et c'était mon échappatoire. Hein. Même le week-end, donc je pense qu'on passait des coups de fil et c'était assez simple de les intégrer en fait, ces radios-là. Et quel concept d'émission vous proposiez alors à ces radios? Alors, je pense qu'on jouait beaucoup du côté de ma jeunesse, de mon enfance, à savoir le jeune animateur qui peut interviewer des grands, parce que j'aimais déjà beaucoup faire des interviews. Et puis on allait beaucoup sur la musique, parce que la musique c'est ma passion aussi. Donc en fait, tous les concepts tournaient autour de la musique, autour des interviews. Donc c'est ce que je faisais déjà dès tout petit en fait. Par rapport à vos études, ouais. Justement, parce que là, on parle, vous dites, c'était le week-end en parallèle à tout, oui. Ça, mais la radio, est-ce qu'elle a joué un rôle dans le choix de vos études? Ah oui, la radio, elle a joué un rôle dans le choix de mes études. Alors, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais un papa qui était pro-radio, pro-média, c'est-à-dire qu'il était prêt à accepter mon rêve, à m'accompagner dans ce rêve-là. Ce qui est rare. Ce qui est plutôt rare, mais j'avais quand même un équilibre, c'est-à-dire que ma maman, elle était pro-études, elle voulait quand même que j'aille au bout de mes études, elle voulait que j'aie le bac. Ce qui est plus fréquent. Ce qui est un peu plus fréquent, on est d'accord. Donc, j'avais un petit peu les deux sons de cloche que j'ai tenté de suivre autant que j'ai pu, ce qui veut dire qu'en gros j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée et en fait au moment du bac j'ai fait le choix d'aller directement dans la radio à 100%. C'est-à-dire que après une radio qui était une radio assez pro, qui était EFM, qui était en Essonne. Alors justement, ouais. On va parler un peu de FM pour une petite parenthèse. Donc EFM, la radio de l'Essonne, ouais. Qui n'existe plus aujourd'hui. Non. Mais vous n'avez pas vécu dans le département, je crois. Non, pas du tout. Alors, comment vous êtes arrivé à aller jusqu'à EFM? J'ai grandi à Sevran dans le 93. Et c'est vrai que je crois que j'étais tombé sur une annonce de EFM qui cherchait un animateur. Et c'était vraiment super pro, la radio. Mais c'était à Bondoufle, au fin fond du 91. Et j'ai dit à mon père, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie d'aller sur cette radio parce qu'elle est vraiment top. Alors, j'ai dû mentir sur mon âge parce qu'il voulait un animateur qui avait 18 ans. Et je crois que j'en avais 15 ou 16, un truc comme ça. J'ai fait une maquette là-bas. Ils ont adoré la maquette. Et finalement, ils m'ont quand même pris avec cette contrainte de l'âge. Donc, c'était comme ça. Ils ont fait un truc spécial. Et tous les week-ends, le samedi, le dimanche, je me levais très très tôt le matin. Je me rappelle, il y a plein d'amis de 15, 16, 17 ans qui eux avaient des soirées, avaient des anniversaires, avaient voilà des choses qu'on fait au lycée. Mais moi, j'allais à la radio le week-end. Je me réveillais très tôt pour aller sur cette radio-là et travailler. La passion donc avant tout. Ah ouais, je faisais 2 heures de route pour y aller à peu près, ou de transport en commun quand il y avait des bus qui marchaient. Donc, vous faisiez plaisir à votre père avec ça. Oui, et puis à moi aussi surtout. Et à vous aussi. Bien sûr. Et votre mère, par rapport au bac. Ma mère voulait absolument que j'ai le bac. Et vous voulez que je raconte ce qui s'est passé le jour des épreuves du bac ou pas? On a le temps, on peut, oui. Le jour des épreuves du bac, d'une épreuve du bac, j'avais un entretien pour une autre radio à Orléans. Pour le coup, on passait vraiment sur du pro, du très très pro, puisque c'était, on parlait de vrais contrats, on parlait d'une radio qui faisait partie du groupe 1981, qui s'appelle aujourd'hui, après, c'était le groupe Start. Et je suis allé à un entretien le jour des épreuves du bac. J'ai fait ce choix-là, tout en disant à mes parents le matin, écoutez, papa, maman, je vais passer l'épreuve. Mais non, je suis allé passer un entretien à Orléans, alors que je connaissais personne à Orléans, mais que je savais que c'était une opportunité importante. Voilà, c'est des moments de vie comme ça, des moments de vérité, où on décide de prendre le pouvoir sur sa vie. Je suis allé passer l'entretien et le soir même j'ai eu une réponse qui était positive et là j'ai pu dire à mes parents, écoutez, je vous ai menti, je suis pas allé au bac, mais la semaine prochaine je commence sur une radio à Orléans. Voilà. Ça c'est vraiment c'est un peu impressionnant quand même, c'est un peu ça le jour où tout a basculé, ouais. C'est oui, mais je pense que c'est la décision la plus importante que j'ai dû apprendre dans ma vie. J'avais 17 ans et c'était un moment de vérité, un moment hyper important pour moi parce que ça a défini tout le reste. Sans cette radio Orléans, j'aurais pas pu accéder à Ado puis à Skyrock ainsi de suite. Ouais. Et on va en parler plus en détail Aymeric juste après une première pause musicale et comme d'habitude dans cette émission, c'est l'invité qui a carte blanche sur la programmation. Votre premier choix musical, c'est, si je ne me trompe pas, Ismaël Lo. Oui, Ismaël Lo. Pourquoi ce choix? Ah, c'était une des chansons préférées de mon père. Ça me permet de lui rendre hommage parce que cette semaine, ça fait 10 ans que mon père nous a quittés et je pense très très fort à lui, et notamment avec ce morceau qui est un morceau incroyable. Ismaël Lo a une voix sublime et franchement, vous allez adorer le titre. Hawe, peine si celle mon ila degam julinga mon ila degam wanga Abdou Jambar ñari balay kala ci kaw lay joge tanu ci seur munila degam julinga munila degam worga beau, hein? Très très beau, artiste vraiment, je ne connaissais pas et c'était une très belle découverte. C'est Bali Smilo, ouais, c'est un morceau magnifique. Avec Tadjabone, oui. Je prononce bien. Tu l'as très bien prononcé, bravo. Ouf, c'est souvent mon stress hein, quand je dois annoncer des titres étrangers. Mais même moi, Skyrock, hein, parfois. Hein. J'imagine. Heureusement qu'on ne fait pas de l'anglais avec des titres à rallonge. Vous écoutez La Mécanique des Ondes sur Fréquence Protestante, on parle de radio pendant trois quarts d'heure et aujourd'hui c'est Aymeric Berco de Skyrock qui est avec nous. Mais Skyrock, on n'y est pas encore dans son parcours. Ah oui. Là, on était à Orléans. Ouais, là, je viens de passer le bac que j'ai pas eu là. C'est ça. Mais... pas de bac en poche, mais un contrat. Un contrat, ouais, c'est vrai, ça symbolisait beaucoup de choses. Pour la petite information, j'avais toujours dit à mes parents, vous allez voir, je vais vivre avec vous pendant très longtemps. Moi, j'étais pas du genre à vouloir partir et quitter le domicile familial à 18 ans. Mais ceci dit, n'ayant pas forcément de projet d'études, il fallait quand même que je me dirige vers la radio. J'en faisais depuis tout petit. Depuis tout à l'heure, on parle des radios associatives. La vérité, c'est qu'il fallait que je me dirige vers des radios un peu plus pro. Et je savais que pour aller sur une radio plus tard comme Skyrock, il fallait passer par des radios locales, des radios régionales. C'est ce que je donne aussi comme conseil à ceux qui m'envoient des messages. Et donc j'avais cette opportunité à Orléans que je pouvais saisir et que j'ai réussi à saisir. Et honnêtement, j'y suis allé les yeux fermés, quoi. Mmh. Ouais. Et alors, premier jour au sein d'un groupe professionnel. C'est impressionnant parce que déjà, ben moi j'ai 17 ans, il y a que des adultes autour de moi. Bizarrement, je me sens quand même mieux et plus à l'aise, plus à ma place qu'avec mes camarades de classe où je sentais toujours un petit décalage de par, je pense, ma timidité, ma personnalité qui était plutôt introvertie, sauf à la radio. Donc je me retrouvais face à des passionnés. Donc c'était plein de codes, plein de choses à analyser. Et puis surtout, je crois que j'étais un des seuls et un des rares, même dans mon entourage, à me retrouver dans un monde professionnel aussitôt. Mmh. Donc j'ai travaillé. Franchement, j'ai travaillé d'arrache-pied. Et franchement, je le dis à chaque fois, ça fait que quelques années que je m'amuse un petit peu et que je découvre la vie en dehors du monde des médias. Mais j'ai travaillé parce que je savais que c'était une place importante. Je me suis fait tout seul. Je voulais vraiment prouver que j'étais capable d'être à la hauteur de la tâche. Ouais. Idem au micro, je pense. Après des années passées sur des radios asso, au sein de cette radio, de ce groupe. Oui. Pareil, il y avait de nouvelles méthodes à assimiler, je pense, dans la façon de parler, de gérer l'antenne. Bien sûr, oui, il y avait plein de choses à apprendre. Le formatage, comme on dit, mais le bon formatage. C'est-à-dire que quand on est en radio associative, on est un peu en roue libre pour le meilleur et pour le pire. Et quand on est sur des radios qui ont un format, il faut qu'on apprenne aussi quelques codes. Et c'est pour ça que j'ai eu des personnes importantes qui m'ont aidé là-dessus. Je pense à Jean-Luc Vibet, à l'époque quand je suis arrivé à Forum à Orléans, et puis à toute l'équipe, hein, Bruno Vitek, Nicolas Pavallo, c'était des personnes qui ont compté pour moi, bien sûr. Mmh. Donc, donc vous l'avez dit, Forum, ouais. Ça c'était au début. Oui. Donc ça a duré un an. Forum, qui est une radio qui dans le format se rapprochait un petit peu de Nostalgie, donc ça m'a aussi fait ma culture musicale, parce que j'avais du haut de mes 17-18 ans passé des morceaux des années 50, 60, 70, et du coup pour la culture musicale c'est fantastique, et c'est pour ça que aujourd'hui je suis incollable au Blind Test par exemple. Alors là, c'est pas prévu. Pas de Blind Test. Ça j'aurais gagné. On fera ça une prochaine fois. Ouais, avec plaisir. On note ça dans la boîte à idées de l'émission. Mais donc du coup Forum un an, et après Ado. Alors Ado, c'était la grosse radio à l'époque de ce groupe-là. C'était la radio parisienne qui cartonnait, hein, une des radios les plus écoutées musicales à Paris. Et moi, c'est vrai que je rêvais de cette radio et je pensais pas y accéder au bout d'un an. C'est pour ça que je vous dis que j'ai travaillé d'arrache-pied à Orléans pendant un an. Je pensais y rester 4-5 ans et au final, au bout d'un an, j'ai été muté sur Ado à Paris. Et là, c'était fantastique parce que. Ouais. Et c'est vous qui avez convaincu la direction ou C'est la direction qui m'a proposé. C'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Donc je suis arrivé sur Ado, de retour à Paris pour le plus grand plaisir de ma famille et mes amis. Sauf que là, je leur ai dit, une fois que t'as vécu pendant un an en indépendance, t'as plus envie de vivre chez tes parents. Donc du coup, c'était terminé la vie chez les parents malgré tout, même malgré mon retour à Paris. Donc retour à Paris, mais début d'une nouvelle vie professionnelle et personnelle. Ouais, on dira. Bien sûr. Ouais. Du coup, donc Ado, là aussi, là c'est le début d'une nouvelle. Ah nouvelle oui, époque. Bien sûr. Vous. Ouais, c'est une nouvelle époque où j'ai appris aussi beaucoup de choses. On m'a laissé aussi tenter beaucoup de choses, beaucoup d'interviews. Encore une fois, moi, j'ai une passion pour les interviews qui est incroyable. Et c'est vrai que sur Ado, on en avait beaucoup, y compris des artistes internationaux. Et surtout, on m'a permis de développer des concepts. Voilà, je me suis retrouvé sur une émission en fin d'après-midi avec Géraldine que j'embrasse, aujourd'hui sur Europe 1. On a fait une émission en duo où on nous a laissé un peu champ libre pendant 4 heures chaque jour. C'était de 17h à 21h. Une émission qui s'appelait Ado Family qu'on a pu faire. Et quand je vous dis champ libre, c'est qu'on a pu développer vraiment des rubriques. On avait au moins 15 ou 20 inserts téléphoniques, donc des appels d'auditeurs en direct tous les soirs. En plus, on gère tout, hein, quand on est sur une radio locale. Et on avait aussi ce concept qui était très fort, qui était « Ado, viens te chercher dans ton bahut ». Oui, ça, je m'en souviens de ça. C'est pas arrivé dans mon école, hein. J'ai dit tout de suite. Mais j'en entendais parler, mais je crois qu'il y avait même des campagnes d'affichage dans les autres puces. Fou. En fait, ouais. Le principe était simple. Vous êtes dans un collège ou dans un lycée, vous voulez que une des stars du moment vienne vous chercher le vendredi en Hummer devant votre collège avec votre classe, et vous ramène à la radio, vous avez un concert privé. C'était ce qu'on avait fait. Et on l'a fait par nos propres moyens. Ça a été un carton total. On avait les plus grands artistes à l'époque, hein. Je repense à Moko du 113, à Sherif Alouna qui nous avait fait confiance, à Zao, à tant d'artistes, et Vita, etc. Et puis vraiment ça a pris très très vite, on l'a vu aussi dans les audiences qu'on a pu faire après. Oui, on avait eu Florian dans cette émission oui. qui nous racontait aussi cette époque. Bien sûr. C'est vrai que c'était une époque charnière pour Ado. Et puis on avait appelé l'émission Ado Family, c'était pas pour rien, hein, c'est parce que vraiment on avait le sentiment d'appartenir à une famille. Hein. Tu parles de Florian, voilà, Florian et Philou, Orphée, toute l'équipe à l'époque, on était une petite équipe, mais très motivée parce que on n'avait pas les plus gros moyens, mais on savait qu'on pouvait faire des grandes choses par notre format qui était très fort et par nos idées aussi. Oui, c'est bien ça. Sûr. Ouais. Puis les personnalités, les stars qui venaient également. C'était très stimulant et les stars nous faisaient confiance aussi, vraiment, même pour ce genre d'opération spéciale. Donc, et oui. Je les remercie encore parce que je sais qu'elles écoutent encore la radio. Et alors, justement, on parle d'interview. Comme vous l'avez dit, il y en a eu beaucoup. Donc, et la toute première fois, c'était avec qui ? La première interview que j'ai faite sur Ado, je crois que c'était Mary G. Blige, il me semble. Et d'ailleurs, j'ai fait une grosse erreur parce que vous savez, les Américains ne font pas la bise. Nous, on fait la bise en France. Bon, oui. Moi en ce moment parce que il y a le Covid, on fait pas de bise du tout actuellement. Mais avant, on faisait la bise. Rappelez-vous, bonne époque. Le temps d'avant, à l'époque. Eh bien, Mary G. Blige, j'arrive pour la saluer et là, je lui fais la bise et je vois qu'elle se frise, elle ne bouge plus. Voilà, elle est choquée. Et là, il y a son manager qui m'isole à côté, qui fait, je t'explique. On fait pas de bise, nous les Américains. Tu lui serres la main ou tu lui fais un hug. J'ai dit quoi, lui faire un hug? Mais je la connais pas. Elle dit non, mais la bise c'est très violent, c'est une sorte d'agression, tu peux pas faire la bise. Et ça m'avait vraiment marqué, je me rappelle, parce que ça avait mis un petit froid au début de l'interview. Ah oui, non, c'est une bonne leçon. Ne faites pas la bise aux Américains, aux Américaines. Et s'il fallait citer les plus marquantes? Alors les plus marquantes qu'on ait pu faire, c'était Chris Brown, parce qu'en fait, et c'est pour ça que j'adore avoir les interviews, les artistes avant qu'ils explosent, on se rend pas compte parce que Chris Brown c'est devenu un artiste légendaire aujourd'hui, mais quand on l'a reçu sur Ado en 2007 ou 2008, il venait toujours de se démarrer, donc c'est ça qui est intéressant. Et même à Skyrock c'est pareil, il faut avoir les artistes au début. Moi j'ai eu la chance à Skyrock d'avoir Ed Sheeran avant qu'il explose, d'avoir Sam Smith, Ariana Grande avant leur explosion. On aurait plus de mal à les avoir aujourd'hui, même si on écrit une histoire avec eux. Donc les artistes au début c'est hyper intéressant parce qu'on voit toutes les qualités et tous les défauts d'un d'un artiste et de son univers. Moi, c'est quelque chose qui vraiment me passionne. Voilà, dans le développement d'un artiste, c'est voir comment il s'en sort psychologiquement, comment il est au début, avant une explosion, comment il l'anticipe, même pouvoir prévoir et analyser s'il a les épaules fortes pour pouvoir gérer ce genre de choses, ce genre de phénomène. Et alors, on parlait de la première interview donc sur Ado. Ouais. Et moi, je voulais savoir aussi la première interview tout court. Ah, la première interview tout court, c'est quand j'étais petit, et c'était en arrivant en France où je devais faire justement des interviews pour ma radio au Cameroun. C'était Yannick Noah, qui est un artiste camerounais qu'on ne présente plus, tennisman de légende, et c'était, je crois, ma première interview, bien sûr. Il avait été hyper bienveillant avec moi et curieux parce que il voit un petit gamin haut comme trois pommes qui lui pose des questions en mode journaliste. Il a été super super touché par ça. Pareil, et vous de votre côté, ça a dû vraiment vous impressionner. Oui, bien sûr. Après, j'ai fait en sorte, parce que c'est une des questions qu'on me demande le plus, c'est comment tu fais face aux stars, comment tu peux pas être impressionné. Vraiment, quand je les ai en face de moi, je prends le moment en ayant conscience que c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que finalement ces artistes ne sont pas comme nous, ils vivent des choses et des moments qui vont au-delà de l'humain, et moi ça m'impressionne et ça m'intéresse d'être avec eux et de partager un moment avec eux un peu psychologique. Mais c'est vrai que je réalise qu'après coup, c'est quand je regarde les vidéos ou quand je réécoute les interviews que je me dis ah ouais, oula là on avait Quentin Tarantino, oula là on avait Rihanna. C'est à ce moment-là que je réalise ça, pas pendant l'interview, parce que sinon je perds mes moyens et je fais pas d'interview tout court en fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est un bon conseil à retenir aussi pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Et alors, est-ce qu'il y a un nom que vous auriez rêvé d'interviewer qui n'a jamais encore été fait ? Oh, il y en a plusieurs, bien sûr. Mais je vais vous raconter une anecdote que j'ai jamais racontée. On était en 2009 et parallèlement à 2010. Et parallèlement à Skyrock, j'avais aussi un Skyblog où on recevait beaucoup de personnalités. Donc je faisais beaucoup d'interviews pour Skyblog qui cartonnait. Et je pense que c'était la période où il y avait Jenali qui avait un gros succès, et il y avait parallèlement Kid Cudi qui est un artiste américain montant, mais qui n'avait pas encore le succès qu'il a. Moi, entre temps, je suis devenu fan de Kid Cudi et je me rappelle que j'avais le choix entre ces deux interviews parce que c'était au même moment, c'était Kid Cudi ou Jenali. J'ai choisi Jenali. C'est jusqu'à aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Je me disais bien. Voilà. Pour en parler, je faisais des interviews en tandem avec mon pote Romek, avec qui on a fait plein d'émissions sur le web aussi. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je m'en mords les doigts parce que j'aurais dû faire Kid Cudi. Alors j'embrasse Jenali, si elle écoute la radio, eh bien, c'était une bonne interview. Mais voilà, je suis passé à côté d'une légende de la musique aujourd'hui, un artiste que j'apprécie beaucoup. J'espère le réavoir. C'est pas gagné parce qu'il fait très peu d'interviews, il quitte très peu les États-Unis. Mais voilà, ça je m'en mords les doigts. On n'a plus qu'à espérer que Kid Cudi écoute la mécanique des ondes. Exactement. Peut-être, on sait pas. Ah ouais, ouais, ça serait cool, la boucle serait bouclée. Ouais. Alors, retour à la radio maintenant. Donc on parlait de vos années ado. Oui. Donc ça a duré combien d'années à peu près ? Sur ado, je suis resté 3 ans. J'étais 3 ans sur Ado et ça a été plus qu'une belle école. Ça a été un moment important et décisif pour moi parce que c'est grâce à Ado que j'ai pu accéder après à Skyrock. Alors justement, Skyrock, on y vient. Comment vous êtes arrivé ? Alors tout à l'heure on évoquait l'émission Ado Family qui a rencontré un beau succès, et il faut savoir que Difool, qui est animateur et directeur également d'antenne de Skyrock, est beaucoup à l'écoute de ce qui se fait sur toutes les autres radios. Voilà, il veut le meilleur pour sa radio, et il est tombé sur moi, et c'est lui-même, écoutez-moi bien, qui m'a passé un coup de fil quand j'étais à Ado pour pouvoir intégrer Skyrock. Donc je pense que ça, ce qu'on a fait sur l'émission Ado Family, ça a eu de impact, y compris jusqu'aux oreilles de Difool. Et pour moi, imaginez, j'ai grandi en écoutant Difool. C'est un des maîtres de radio qui m'a donné envie de faire de la radio. Voilà, il y a plusieurs personnalités emblématiques. Hein. Je pense à Arthur, je pense à Max, mais Difool a énormément compté pour moi. J'ai grandi en l'écoutant comme beaucoup d'animateurs, plein de générations. Et c'est lui qui m'a appelé. Donc c'est quand même fantastique. Moi, c'était mon rêve d'être sur Skyrock. Donc j'imagine la tête que vous deviez faire à ce moment-là quand vous avez appris que c'était. À peu près toutes les émotions qu'on peut avoir sur un visage. Le stress, l'inquiétude. J'ai cru que c'était une blague aussi. J'ai cru que c'était une blague, vraiment. Une classique. Ouais, vraiment. Alors du coup, donc Difool vous contacte. Oui. Donc la première rencontre. La première rencontre, elle était assez dingue parce que Difool est en des horaires un peu spéciales. Il anime le morning, il anime le soir. Il m'a invité à minuit à la radio. Donc c'est pas une horaire classique pour un entretien. Voilà. Mais je me rappelle très bien, il y a mon père qui m'accompagnait avec sa voiture et je suis arrivé à minuit en bas de la radio. Je suis arrivé à Skyrock et j'avais l'impression d'arriver à Disneyland. C'est-à-dire que vraiment, c'était tout ce que j'imaginais en écoutant la radio. Se réalisant. Vrai, c'est-à-dire que je le voyais jouer à une partie de foot, je voyais l'ambiance dans les studios et les locaux de Skyrock, c'est comme ça que je l'imaginais, même un petit peu en mieux, et surtout on a parlé pendant 3 heures. C'est quelqu'un qui m'a expliqué, et c'est une leçon que je retiens aujourd'hui, que je peux être un bon animateur, même un très bon animateur, si humainement ça ne matche pas, il voudra pas travailler avec moi. Et il faut qu'il y ait les deux en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qu'aujourd'hui j'adapte moi-même avec les équipes avec lesquelles je travaille. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'humainement ça le fasse. C'est un contrat, c'est un engagement humain également. Et vous le voyez puisque à Skyrock il y a beaucoup d'animateurs qui sont là depuis très très très longtemps. Oui, c'est parce que l'humain compte énormément. Et Difool et moi, on a parlé pendant 3 heures et on a parlé avant tout de notre passion commune pour la radio. Je lui demandais des anecdotes, il m'a demandé sur moi, etc. C'était un véritable échange. C'était pas qu'un entretien, loin de là. Mmh. Ah ouais. Et c'est Fred Musa qui est venu ici à votre place il y a quelques temps. J'adore l'émission, bien sûr, Fred. Et on salue Fred s'il nous écoute. Ah, oui. Il me disait la même chose également. En tout cas, moi, quand je l'entendais parler de Skyrock et de l'ambiance en interne, moi, je sentais qu'il y avait ce côté bande de potes, cette famille. Bien sûr, bien sûr. Tu parles de Fred. Fred aussi, évidemment, fait partie des animateurs emblématiques de la radio qui ont compté pour moi. Et d'ailleurs, il faut que je retrouve une cassette où je passe dans la Skyroulette avec Fred et j'ai 12 ans. Où bien sûr, j'ai dit stop et c'est Fred qui faisait tourner la Skyroulette. Je sais pas si tu te rends compte, la boucle est bouclée. J'ai fait tourner la Skyroulette en tant qu'auditeur et aujourd'hui, je fais des passages d'antenne tous les soirs avec Fred qui anime Planet Rap. C'est quand même incroyable. Enfin voilà, c'est fantastique. Ah oui, ça c'est fort. Ah, on veut l'archive. Ah, on veut l'archive. Je vais essayer de la retrouver. Je l'ai quelque part. Bon, le temps de la retrouver ou pas. On va écouter le deuxième choix musical d'Emeric Berko. Oui. Donc là, c'est un peu plus récent, c'est Willow Smith avec Female Energy. Ouais, c'est la fille de Will Smith, figurez-vous. Elle n'est pas aussi connue que son père et pourtant elle mérite à être connue. Elle a une voix très spéciale. C'est un ami qui s'appelle Théo qui me l'a refait découvrir, même si j'adorais déjà son univers. J'embrasse toute la team amien qui est en train d'écouter. C'est mon groupe d'amis qui écoute l'émission actuellement. Et Willow Smith, Female Energy, c'est un morceau magnifique par une interprète à en devenir. Vraiment. On écoute. C'est ça que j'aime bien quand on demande aux invités de faire la prog musicale, c'est que il y a du partage, il y a de bonnes découvertes et là, aujourd'hui, je fais de bonnes découvertes et briques. Tu sais que je pourrais en passer encore plein des morceaux comme ça. Hein. Faudrait me faire une émission spéciale avec ma playlist. Mais là, j'ai eu le choix que pour deux et j'espère que vous avez bien aimé les deux artistes, et Ismaël Lowe et Willow à l'instant, qui était incroyable. Willow Smith avec Female Energy sur Fréquence Protestante et dans la mécanique des ondes. Emeric Berko, donc, qu'on retrouve au 16-20 de Skyrock. Oui, ça y est, depuis 5 ans maintenant, je suis 5 ans, chez 16-20. 5 ou 6 ans, je sais plus. Alors, j'ai lu dans une interview que votre ennemi, c'était la routine. Ah oui, bien sûr, oui, évidemment. Mais alors, du coup. Je déteste ce mot. C'est ça. Ouais. Alors du coup, comment vous faites pour que chaque jour dans cette tranche ne se ressemble pas d'un jour à l'autre? Oh, parce que la vie change toujours. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2020. Enfin voilà, c'était inimaginable. Il y a tellement de choses, tellement d'actualités chaque jour avec les artistes qu'on diffuse et avec les réseaux sociaux. On est dans un monde en plein mouvement. Donc la routine, moi, je fais en sorte de la combattre en permanence. Et c'est pour ça que si vous regardez bien, là, on évoque mon parcours depuis 10 ans. Aucune année ne se ressemble. C'est-à-dire que même quand il y a Skyrock et qu'il y a le 16-20 qui est solide et qui a jamais aussi bien marché que maintenant, d'ailleurs, et j'en suis super content parce que la radio se porte très très bien. J'ai plein toujours de projets à côté. Quoi. J'ai goûté à des émissions sur le web, à la télévision. Là, on a maintenant le Récap qui est aussi une émission qui s'additionne à Skyrock et qui est diffusée sur les réseaux sociaux depuis hier, qui est sur Snapchat. Vraiment, il y a aucune journée qui ressemble à une autre. Et moi, je combats la routine. Je trouve que c'est l'ennemi de l'homme, l'ennemi de la création. Donc oui, je déteste ce mot routine, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'envie de tenter de nouvelles expériences? Je pense à ce que vous faites sur YouTube, vous ouais. l'aviez dit, sur les réseaux sociaux, ouais. la vidéo, même la télé. Ouais. Oui, oui, j'ai toujours été très curieux du monde des médias en généralité, enfin en général, quoi. Depuis tout petit, que ce soit en radio, en télé ou sur le web, il y a plein de choses qui m'ont intéressé, qui ont attisé ma curiosité, et je me suis demandé si moi aussi je pouvais apporter quelque chose sur un de ces médias. Et moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de créer pour ces médias du contenu, mais aussi d'en développer en poussant la nouvelle génération, des nouvelles personnalités aussi, quoi. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne aujourd'hui. Mmh. Et alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement de ces expériences? Ah, qu'elles sont très enrichissantes, qu'elles permettent de faire de très belles rencontres, et surtout qu'au final, ça c'est un beau message que je peux donner, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que quand on a une passion pour quelque chose, on peut clairement la développer avec un projet adéquat. Je repense aux années où j'ai travaillé pour Spotify. Pendant 3 ans, j'avais une émission qui s'appelait Playlist Session, qui était diffusée et sur MCE, une chaîne du câble, et sur les réseaux de Spotify, où le concept était simple, c'était de découvrir la playlist de l'invité, mais d'une manière un peu psychologique. C'est-à-dire que je lui passais les morceaux qui ont égayé son enfance, qui lui rappellent sa première histoire d'amour, sa première rupture, les moments où ça a démarré dans sa carrière. Donc on faisait ça pendant 3 ans, on a reçu beaucoup de têtes, je pense à Nekfeu, à Soprano, plein d'artistes qui nous ont fait confiance. Et c'était une émission qui est née juste d'une idée simple, parce que j'étais moi-même sur Spotify et je voulais avoir une émission en rapport avec les playlists. Et on a pu le faire. Voilà, le récap, c'est parce que je passe mon temps sur les réseaux sociaux à regarder des news, à les glaner. Je me dis, on va pouvoir en faire un petit JT quotidien de 2-3 minutes pour faire une mise à jour si on n'a pas le temps de tout suivre, tout regarder. Donc tout ce qu'on a envie de faire, toutes nos passions, elles peuvent très bien prendre forme, en fait. Et idem au niveau des playlists. Moi, je me souviens que sur Skyrock, dans le 16-20, il y avait eu le choc des playlists. Tout à fait, ouais. Pendant un an où on a laissé les auditeurs choisir leurs playlists sur l'antenne. C'était un moment assez fort. Donc tout ceci est réalisable. Au début aussi, on avait une émission qui s'appelait Web Real TV, ou quand c'était bien avant que le développement des lives sur YouTube. On l'a fait pendant 2-3 ans avec des émissions qui duraient 24 heures. Et ça a été une grande école pour nous, parce que ça nous a permis de développer notre personnalité, moi et mon équipe, bien sûr, et de faire du live et d'être même face à des problèmes techniques, des problèmes d'invités qui viennent pas au bout d'une heure, faut improviser. Enfin voilà, c'était une sacrée école, ouais. Ouais. Et alors, il y a une nouvelle aventure aussi au sein de Skyrock depuis plus d'un an maintenant, c'est Skyrock PLM. Ouais, tout à fait. Alors, la radio pour les militaires. Voilà, c'est ça. Sacrée expérience. Alors c'est Bélanger et Bounou qui vous ont proposé cette expérience, parce que vous faites le morning, hein, ouais, sur cette radio. Ouais, c'est assez dingue, parce que les forces armées, c'est un monde auquel j'étais pas vraiment habitué. C'est tout un champ lexical à découvrir et qui finalement est passionnant. Et c'est pour ça que j'aime aussi le challenge et j'aime le défi. Quand je vous disais qu'une année ressemble pas à une autre, eh ben quand Pierre Bélanger me propose Skyrock PLM, je fonce évidemment avec grand plaisir, parce que c'est un monde que je découvre, que je ne connais pas et qui m'intéresse. Donc de pouvoir faire une émission qui est adressée aux forces armées, aux forces militaires, c'est un véritable challenge que je relève avec plaisir, et j'espère que plus tard cette radio-là pourra avoir sur les bases militaires en France, il y en a dans les 4 coins du monde, des fréquences FM dédiées, ça serait fou. Ouais, ouais. Ou sur le DAB+. Ou sur le DAB+, ouais, ce qui est complètement possible. Ouais. Ouais. Et justement, petite parenthèse pour évoquer un peu l'avenir de la radio, comment vous le voyez? Parce qu'on voit que la radio se développe de plus en plus sur Internet, ouais. Skyrock avec Skyrock PLM, par exemple. Ouais. Est-ce que la radio FM est condamnée? Non, je j'ai jamais été aussi optimiste pour la radio, figurez-vous, et ça l'a été encore plus quand il y a eu le confinement, parce que pendant le confinement, comme c'était un petit peu un saut dans l'inconnu, hein, ce mot confinement, cette expérience de vie pas très agréable d'ailleurs pour moi, parce que moi qui aime faire des rencontres, qui aime vivre des concerts et des belles énergies avec les gens, eh ben c'était compliqué le confinement. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Qu'est-ce qu'on a appris? On s'est rendu compte que les gens revenaient vers la radio. Les gens revenaient vers la radio parce qu'ils avaient besoin de liens humains. Et je pense que Deezer, Spotify, Apple ne sont pas nos ennemis, ce sont nos amis, en fait. Et que la plupart des personnes, quand elles vont écouter un morceau à la radio ou un contenu qui leur plaît, elles vont vouloir après leur enchérir sur leur plateforme. Donc je pense que tous ces outils sont à notre disposition et qu'il y a de la place pour tout le monde au soleil. Et je pense vraiment que la radio a encore de beaux jours devant elle. Ça fait très longtemps qu'on dit que la radio est terminée. Quand il y a eu la télévision, apparemment c'était le cas. Quand il y a eu la télévision couleur également, quand il y a eu les web radios. Au final, la radio, c'est 80% de Français en moyenne qui l'écoutent chaque jour. 8 Français sur 10 qui lui font confiance. Partout où je me déplace, j'entends la radio. J'entends ce lien qui est très fort et dont ont besoin les Français au quotidien. Donc je pense que la radio a de très beaux jours devant elle. Il faut juste qu'elle s'adapte aux nouveaux contenus, aux nouveaux médias, et qu'elle en fasse des atouts et non pas des ennemis. Voilà. Et alors, pour boucler la boucle sur votre parcours, donc Aymeric, vous avez commencé sur une radio associative, plusieurs, pour évoluer aujourd'hui sur une grosse radio nationale. Ouais. Et alors, à la télévision, c'est pareil. Vous avez commencé sur des petites chaînes du câble. C'est vrai. Et donc, depuis septembre, on vous retrouve maintenant sur France 3. Ah, ça y est. Dans les témoins d'outre-mer, hein, c'est vrai, c'est l'émission qui est diffusée tous les matins à 8h40, où j'ai la chance d'avoir une chronique hebdomadaire qui parle d'un thème qui me tient à cœur, puisque c'est la jeunesse. Moi, j'ai toujours été porté par la nouvelle génération, parce que la nouvelle génération, elle est pleine d'idées, elle demande que ça, de briller, d'avoir de la lumière sur elle. Donc, j'ai la chance de pouvoir le faire chaque semaine. C'est tous les mercredis à 8h40, vous mettez sur France 3, et on parle de plein de choses. On parle de culture, on parle de sport, d'initiatives citoyennes, d'écologie, parce que voilà, la nouvelle génération a plein de choses à montrer, à prouver, et donc c'est une très belle aventure pour moi. Ouais. Et je remercie Grégoire Olivreau. La mécanique des ondes. En tout cas, c'est un parcours passionnant, Aymeric, que vous avez vraiment. C'est assez dingue de pouvoir en parler depuis tout à l'heure avec vous dans la mécanique des ondes, c'est super. Mais c'est un plaisir de parler à la radio avec les gens qui la font en studio. Merci. Et alors, maintenant, on va passer à la partie questions de cette émission, Aymeric. Et on va commencer avec la question capsule enregistrée le mois passé par Pénélope Boeuf, une podcasteuse. On l'écoute. Salut Aymeric, alors on se connaît pas mais moi je te connais parce que t'as 31 ans et t'es déjà une star de la radio. Donc je voulais savoir quels étaient tes prochains projets. Salut. Salut Pénélope, j'ai tout le temps des projets en stock. Alors il y a un projet dont j'ai jamais parlé et qui m'intéresse beaucoup. Le principe, ça va s'appeler l'After. C'est une émission où, en fait, les personnalités, les invités vont venir chez moi. Ça sera il y aura des caméras, on va créer une petite ambiance très sympa, mais ça sera à 2h du matin. Alors, ça ne sera pas en direct. On va enregistrer, on va garder les meilleurs moments, on va d'accord. les séquencer. C'est cet After-là. Pas l'After 16-20. Non, okay. Ça va être l'After. Ça sera destiné au web, sans doute sur Twitch ou sur YouTube à suivre. Et c'est un projet qu'on développe avec un ami à moi qui s'appelle Victor et je pense qu'on va en faire une émission très intéressante à regarder parce qu'il y aura un côté évidemment ludique et drôle, mais un côté psychologique aussi, parce que les interviews qu'on fait la nuit n'ont rien à voir avec celles qu'on fait la journée. Les gens sont beaucoup plus désinhibés naturellement, donc on a des vrais moments de vérité, des vraies confidences, et j'ai vraiment hâte de vous dévoiler ce projet-là. Voilà, et vivement donc sur Twitch, hein, peut-être. Je pense, ouais. C'est pareil, Twitch, on parlait d'évolution des médias, c'est une nouvelle plateforme qui se développe beaucoup, hein, au niveau de liberté de ton, direct. Et surtout, depuis quelques semaines maintenant, Twitch a acquis les droits de diffuser de la musique, et ça va être très intéressant pour le développement de Twitch, parce que on était tous un petit peu frustrés en diffusant de la musique sur YouTube ou sur les réseaux. Sur Twitch, on pourra diffuser de la musique. Et pour moi, c'est très important, notamment pour ce genre d'émission. Alors, je vais rebondir avant le questionnaire rapide sur Pénélope Boeuf, donc, qui est une podcasteuse. Ouais. On n'a pas encore abordé les podcasts. Juste rapidement, est-ce que vous en consommez ? Oui, bien sûr, ouais, je consomme des podcasts avant de dormir régulièrement. Je l'écoute. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mes podcasts préférés, ce sont des podcasts qui sont des podcasts radio, en fait. Hein. Donc, des replays, en quelque sorte. Voilà. Oui, c'est ça, comme On de la Traconte, par exemple, que j'aime bien. Et d'autres exemples, non ? Oui, tous les podcasts qui sont liés à France Inter, en fait. Voilà, c'est une radio que j'apprécie beaucoup aussi. En dehors de ma radio, j'adore France Inter. Donc, Aymeric Berco, un jour peut-être à France Inter, on ne sait pas, qui sait ? Ça serait fantastique. Surtout qu'il s'ouvre au rap. J'ai vu ça. Et je suis ça avec attention. On lance l'appel. On termine maintenant avec le questionnaire rapide, comme prévu, Aymeric. Oui. On est prêt ? Ben, toujours. Alors, une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ? Difool. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Skyrock. Quelle radio vous réveille le matin ? Quand c'est pas Skyrock, j'écoute France Inter. Quelle radio vous endort le soir ? La radio qui m'endort le soir, c'est généralement ma playlist, en fait. La playlist que j'écoute, j'aime beaucoup j'écoute beaucoup de musique, hein. La musique, c'est la bande originale de ma vie. C'est pas mal, cette phrase. C'est belle. Vous pouvez la garder. Avec la radio, oui. Donc, on la gravera dans les marbres. C'est ça. Donc, c'est souvent la musique qui m'endort, en fait, ma playlist. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Dans les transports en commun, bien sûr, j'aime bien, ou dans la voiture, voilà, en venant jusqu'à vous, il y avait évidemment la radio, alors que c'est cool quand le chauffeur VTC me laisse le choix, mais sinon j'écoute toujours. Ne jamais faire ça à un passionné de radio, malheureux. C'est ça. Là, il ne sort plus du taxi. C'est clair. Un endroit où vous n'écoutez jamais ? Un endroit où j'écoute jamais la radio, chez ma mère, en fait, voilà, parce qu'elle écoute une autre radio que je citerai pas, et moi c'est bon, j'aime pas. Votre meilleur souvenir de radio ? Mon meilleur souvenir de radio, c'est au bout de 2 ans, quand je suis arrivé à Skyrock, il y a eu, vous savez, une sorte de crise où notre patron a failli perdre ses fonctions. Et ça a été 10 jours qui étaient absolument hallucinants, prenants à Skyrock, où toute l'antenne était mobilisée 24h sur 24. Tout le monde en parlait, tous les médias se sont intéressés à Skyrock. C'était une décision importante et on s'est tous mobilisés. Moi, c'est un souvenir qui est marquant. Je pense qu'on a perdu tous 5 kilos, les animateurs, pendant cette période. On a dormi 2 heures par jour. Mais qu'est-ce que c'était stimulant. On a l'impression d'être dans les années 80 et d'entrer dans l'England. Mais c'est vrai que c'était un moment incroyable. Et puis, il y avait foule de monde réunis devant les locaux de la radio aussi. Bien sûr. On a pu voir le soutien de Skyrock. 500 000 personnes sur Facebook en quelques jours qui ont fait une pétition pour nous, pour que la radio reste ce qu'elle est. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est là qu'on sent vraiment l'esprit d'une radio, entre guillemets, libre. Bien c'est sûr. C'est pas vraiment. Est-ce que le terme est encore valable aujourd'hui? Mais ouais, c'est toujours. Ouais. C'est pas que des mots. C'est une vraie radio libre. On le sent dans l'ADN de la radio, dans les locaux, de par également les dirigeants de cette radio, parce que on peut dire ce qu'on veut, du numéro 1 au numéro 5, sont tous des passionnés. On parle le même langage. On parle le langage de la radio. Et ça, on a pu le prouver à cette période-là. Donc c'est mon meilleur souvenir radio. Ça et un nouvel an aussi où j'ai animé de minuit à 6 heures avec tous mes amis. C'était fantastique. Voilà, c'est vraiment l'esprit famille dont on parlait tout à l'heure de Skyrock. Tout à fait. Alors à l'inverse, le pire souvenir. Le pire souvenir, j'étais à l'antenne un samedi 1er janvier de 9h à midi. J'avais fait la fête avant. Autant dire que l'émission, j'ai ramé pour la faire. Je crois que j'étais mort de rire, un peu éméché encore sur l'antenne. Il y a un moment où je rigole pendant 1 minute 30 non-stop. Enfin, ça ne voulait rien dire. J'étais vraiment au bout du bout de ma vie. C'est peut-être mon pire souvenir. Alors, on va écouter l'extrait tout de suite. Non, c'est pas vrai. Ah, vous l'avez pas, je ça titille la curiosité. Et enfin, pour terminer, Aymeric, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? C'est un conseil que j'ai reçu moi-même et qui était un conseil d'un journaliste qui s'appelle Paul Naon, qui travaille pour Envoyé Spécial et qui m'a dit, j'avais 18 ans, il m'a dit, je ne connais personne avec le travail, avec le talent qui n'a pas réussi. Et quand il m'a dit ça, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, donc ça marche vraiment. C'est travail, détermination. Bien sûr que parfois il y a un facteur chance, il y a des belles rencontres qu'on peut faire, mais la réalité c'est que si on s'accroche, et moi c'est ce que j'ai fait en tout cas durant les premières années de ma vie adulte, on peut en tout cas atteindre un objectif. Après, le tout, c'est pas forcément de l'atteindre, hein, c'est d'y rester. Le défi, il est maintenant. Hein, c'est pas percer qui est intéressant, c'est d'y rester et d'être toujours dans le coup. Donc voilà, mais c'est un challenge intéressant que tout le monde peut réussir. Et d'autres challenges attendent Aymeric Bréco. D'autres challenges l'attendent donc dans l'avenir, mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Aymeric, d'avoir partagé ces instants radiophoniques avec nous dans la mécanique des ondes. Merci, Arnaud, de l'autre côté La vitre, qui était aux commandes. Qui a mangé une banane, d'ailleurs. Il y a un goûter qui nous attend peut-être après, on va voir. On ne dira pas tout. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette mécanique des ondes, à retrouver en podcast très rapidement sur fréquenceprotestante.com et sur lamécaniquedesondes.com.